Section 7 de Le fantôme de l'opéra par Gaston Leroux. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Première partie. Chapitre 7. Une visite à la loge numéro 5. Nous avons quitté messieurs Firmin Richard et Armand Moncharmin dans le moment qu'ils se décidaient à aller faire une petite visite à la première loge numéro 5. Ils ont laissé derrière eux le large escalier qui conduit du vestibule de l'administration à la scène et ses dépendances. Ils ont traversé la scène, le plateau, ils sont entrés dans le théâtre par l'entrée des abonnés, puis dans la salle par le premier couloir à gauche. Ils se sont alors glissés entre les premiers rangs des fauteuils d'orchestre et ont regardé la première loge numéro 5. Ils la virent mal à cause qu'elle était plongée dans une demi-obscurité et que d'immenses housses étaient jetées sur le velours rouge des appuie-mains. À ce moment, ils étaient presque seuls dans l'immense vaisseau ténébreux. Et un grand silence les entourait. C'était l'heure tranquille où les machinistes vont boire. L'équipe avait momentanément vidé le plateau, laissant un décor moitié planté. Quelques raies de lumière, une lumière blafarde, sinistre, qui semblait voler à un astre moribond, s'étaient insinuées par on ne sait quelle ouverture jusqu'à une vieille tour qui dressait ses créneaux en carton sur la scène. Les choses, dans cette nuit factice, ou plutôt dans ce jour menteur, prenaient d'étranges formes. Sur les fauteuils de l'orchestre, la toile qu'il recouvrait avait l'apparence d'une mer en furie, dont les vagues glauques avaient été instantanément immobilisées sur l'ordre secret du géant des tempêtes, qui, comme chacun sait, s'appelle Adamastor. Messieurs Moncharmin et Richard étaient les naufragés de ce bouleversement immobile d'une mer de toile peinte. Ils avançaient vers les loges de gauche à grande brassée, comme des marins qui ont abandonné leur barque et cherchent à gagner le rivage. Les 8 grandes colonnes, en échaillons polis, se dressaient dans l'ombre comme autant de prodigieux pilotis, destinés à soutenir la falaise menaçante, croulante et ventrue, dont les assises étaient figurées par les lignes circulaires, parallèles et fléchissantes, des balcons des premières, deuxième et troisième loges. Du haut, tout en haut de la falaise, perdue dans le ciel de cuivre de Monsieur le Neveu, des figures grimaçaient, ricanaient, se moquaient, se gaussaient, de l'inquiétude de messieurs Moncharmin et Richard. C'étaient pourtant des figures fort sérieuses à l'ordinaire. Elles s'appelaient Isis, Amphitrite, Hébé, Flore, Pandore, Psyché, Thétis, Pomone, Daphné, Clissy, Galatée, Arésus. Oui, Arésus elle-même et Pandore, que tout le monde connaît à cause de sa boîte, regardaient les deux nouveaux directeurs de l'opéra, qui avaient fini par s'accrocher à quelque épave et qui, de là, contemplaient en silence la première loge numéro 5. J'ai dit qu'ils étaient inquiets. Du moins, je le présume. Monsieur Moncharmin, en tout cas, avoue qu'il était impressionné. Il dit textuellement « Cette balançoire, quel style, du fantôme de l'opéra, sur lequel on nous avait si gentiment fait monter, depuis que nous avions pris la succession de messieurs Poligny et Debienne, avait fini sans doute par troubler l'équilibre de mes facultés imaginatives et, à tout prendre, visuelles, car... Était ce décor exceptionnel dans lequel nous nous mouvions, au centre d'un incroyable silence qui nous impressionna à ce point? Fûmes-nous le jouet d'une sorte d'hallucination rendue possible par la quasi-obscurité de la salle et la pénombre qui baignait la loge numéro 5? Car j'ai vu, et Richard aussi a vu dans le même moment, une forme dans la loge numéro 5. Richard n'a rien dit, moi non plus du reste. Mais nous nous sommes pris la main d'un même geste. Puis, nous avons attendu quelques minutes ainsi, sans bouger. Les yeux toujours fixés sur le même point, mais la forme avait disparu. Alors nous sommes sortis, et dans le couloir, nous nous sommes fait part de nos impressions, et nous avons parlé de la forme. Le malheur est que ma forme à moi n'était pas du tout la forme de Richard. Moi, j'avais vu comme une tête de mort, qui était posée sur le rebord de la loge, tandis que Richard avait aperçu une forme de vieille femme qui ressemblait à la mère Giry. Si bien que nous vîmes que nous avions été réellement le jouet d'une illusion et que nous courûmes sans plus tarder et en riant comme des fous à la première loge numéro 5 dans laquelle nous entrâmes et dans laquelle nous ne trouvâmes plus aucune forme. Et maintenant, nous voici dans la loge numéro 5. C'est une loge comme toutes les autres premières loges. En vérité, rien ne distingue cette loge de ses voisines. Messieurs Moncharmin et Richard, s'amusant ostensiblement et riant l'un de l'autre, remuait les meubles de la loge, soulevait les housses et les fauteuils, et examinait en particulier celui sur lequel La voix avait l'habitude de s'asseoir. Mais ils constatèrent que c'était un honnête fauteuil qui n'avait rien de magique. En somme, la loge était la plus ordinaire des loges, avec sa tapisserie rouge, ses fauteuils, sa carpette et son appuie-main en velours rouge. Après avoir tâté, le plus sérieusement du monde, la carpette, et n'avoir de ce côté, comme des autres, rien découvert de spécial, ils descendirent dans la baignoire du dessous, qui correspondait à la loge numéro 5. Dans la baignoire numéro 5, qui est juste au coin de la première sortie de gauche des fauteuils d'orchestre, ils ne trouvèrent rien non plus qui méritât d'être signalé. « Tous ces gens-là se moquent de nous !» finit par s'écrier fièrement Richard. « Samedi, on joue Faust. Nous assisterons à leur présentation, tous les deux, dans la première loge numéro 5. » Fin de la section 7.